on existe au lendemain. Coup de pied dans l'armure avec leurs sachets et chaussures en dents. J'ai faibli, j'ai fléchi, réfléchi, remis tout en cause. Je monte les marches, mais l'escalier est en pleine rose. C'est partout la même, c'est partout la même. C'est partout la même, c'est partout la même. J'ai cherché à gauche, à droite, un amour pas paralysant. Tout seul sur la route, j'ai perdu du monde après la mi-temps. C'est partout la même, c'est partout la même. C'est partout la même, c'est partout la même. J'ai cherché à gauche, à droite, un amour pas paralysant. Tout seul sur la route, j'ai perdu du monde après la mi-temps. Oh, j'ai la peur, j'ai la peine, mais n'a rien fait de mal. Mes sentiments sont à la traîne, ne pense qu'à faire de la maille. En discussion, ils se dénèrent. Longue discussion sur le fait d'être. Oublie ce qu'ils sont quand ils sont célèbres. Va dire à Florent qu'on n'est pas libre de penser. Lobotomisé jusqu'à la monnaie des colonies françaises. Après grand été, le crédit de la liberté se paye à perpète. Toujours autant d'amour, malgré les pillages, la guerre et la mort. C'est partout la même, c'est partout la même. C'est partout la même, c'est partout la même. J'ai cherché à gauche, à droite, un amour pas paralysant. Tout seul sur la route, j'ai perdu du monde après la mi-temps. C'est partout la même, c'est partout la même. C'est partout la même, c'est partout la même. J'ai cherché à gauche, à droite, un amour pas paralysant. Tout seul sur la route, j'ai perdu du monde après la mi-temps. Des cris très stridents, sombre agent. Avenant, peut tout faire pour l'argent. Sans engagement, tire sur la foule, sans balle à blanc. Mettre dans les blancs, position, fellation. Gouverneur.